C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La la la la la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. Y Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Lo DJ no miente, le gusta a mi gente y eso se fue.